Les Illuminés, podcast radio pour l'Institut international de recherche sur la radio et la magie, sur la relation qu'entretient la Suisse avec la tradition ésotérique. Aborder la thématique de l'ésotérisme, c'est explorer un phénomène, intellectuel et spirituel, qui s'est déployé dans toute l'Europe et dans le reste du monde, à partir de la Renaissance, et dont les expressions perdurent jusqu'à aujourd'hui. Avec le progrès de la science et de la technologie, et la modernisation des sociétés, on a pensé pendant un moment que la pensée rationnelle et scientifique allait naturellement remplacer la religion, la superstition et la pratique de la magie. C'est ce qu'on a appelé le désenchantement du monde. S'il est vrai que la religion a perdu sa position centrale dans les sociétés occidentales, l'analyse historique révèle que la religion et la pensée magique, loin de disparaître, se sont adaptées aux nouvelles conditions sociales et culturelles des sociétés modernes et se sont diversifiées. La plupart des pratiques de la magie sont reliées à la tradition ésotérique occidentale. C'est difficile de définir l'ésotérisme car il regroupe des choses très différentes. Dans les lieux communs, il est le plus souvent associé aux arts divinatoires comme l'astrologie, les médiums ou le tarot. Aujourd'hui, ce qui est labellisé comme New Age apparaît également aux passants non informés comme un pot-pourri de pratiques et de croyances diverses, mélangeant spiritualité alternative, guérison miraculeuse et développement personnel à l'américaine. D'Harry Potter au Da Vinci Code, la pop culture est aussi inondée de références à l'ésotérisme. Celui-ci est donc présent dans l'imaginaire collectif. Il apparaît également parfois, lorsqu'il est mentionné, en passant, sans jamais trop s'y attarder, que l'hermétisme et la cabale ont influencé l'art et la science de la Renaissance, que Goethe était un alchimiste, que Newton était un astrologue et que Kant était un spiritiste. Il est donc là, mais souvent mal compris, car il est en effet difficile d'y voir clair, en ce que le meilleur côtoie presque toujours le pire. Le défrichage de cette matière révèle curieusement de forts liens entre l'ésotérisme et la Suisse. Now we are here in Interlaken. Interlaken is a wonderful city in the Bernese Oberland in Switzerland. And this park here is called the Jungfrau Park. It's a gigantic event park. It has 7 pavilions. And in every pavilion you find some indications which support the theory that some extraterrestrials may have been here thousands of years ago. I made all the texts 10 years ago for this park, and I was very careful. The park is not a place of having right. The park is a place of learning to be astonished. It all ends with question marks. Whatever you see in every pavilion, it ends with question marks. My name is Eric van Däniken. I am the author of many books, among them Chariots of the Gods. That started 50 years ago, and it started all with a crazy idea. The idea was, have we been visited by beings from outer space some thousands of years ago? Some thousands of years ago, our ancestors were Stone Age people. They could not understand nothing about technology. And then the skies opened and strange spaceship descended. Now our ancestors believed that these space travelers are the gods. Of course, we all know there are no gods, but our ancestors, they believed these beings are gods. So the gods entered into the mythologies, into the legends, including into the great religions of the planet. That's the basic idea. La théorie d'Erich von Däniken cherche à se placer à l'intersection entre religion et science. Même s'il ne propose pas un message salvateur, Däniken propose un savoir qui pénètre constamment le champ religieux. Il admet d'ailleurs que son travail contribue à la transformation de la conscience humaine dans la perspective d'un nouvel âge. Il dit « Le monde nouveau apporte une nouvelle religion. La nouvelle conscience est une conscience cosmique, une religion cosmique. » Selon l'anthropologue Viktor Stokowski, l'œuvre de Däniken est une conception théologique de type gnostique qui puise dans le registre de la littérature de science-fiction, dans la théorie des anciens astronautes, ainsi que dans l'héritage occultiste et théosophique de Madame Blavatsky. Si Däniken refuse toute association de ses théories avec la tradition ésotérique, selon le chercheur, l'œuvre de Däniken s'inscrit complètement dans cette tradition, et cela révèle pour l'anthropologue à quel point la subculture occultiste nous accompagne constamment, toujours vivante, changeante et créative à sa manière. Les différents mouvements appartenant à la tradition ésotérique occidentale s'attellent tous à rechercher une tradition primordiale. Petite historique. Genève, année 1610. Andrea Johann Valentin étudie la théologie à Genève. Quelques années plus tard, il écrit le récit de Christian Rosenkreuz, figure mythique, fondatrice du mouvement de la Rose-Croix. En rédigeant ce récit mythique, Andrea Johann Valentin cherche à réactualiser l'idée du porteur d'une tradition primordiale incarnée par la figure de Christian Rosenkreuz. En 1875, à New York, Elena Blavatsky fonde la Société théosophique dans le contexte d'une fascination croissante pour l'Orient, qui incarne un espace mystique, idéalisé et non perverti par la civilisation. Le but de la Société théosophique est d'encourager l'étude comparée des religions, d'étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'homme, et enfin de former un noyau de fraternité universelle de l'humanité, sans distinction de race, de sexe ou de caste. Elle raconte son contact avec des sages orientaux du Tibet, qui lui auraient dévoilé les secrets les plus anciens, et elle va jusqu'à suggérer que la provenance ultime de ces savoirs anciens aurait des origines extraterrestres. À peu près au même moment, perdu au fin fond des montagnes de l'Himalaya, Brahmananda Sarawasti, aussi appelé Gurudev, recevait son initiation spirituelle par un maître et allait commencer une vie de réclusion totale dans une grotte en Inde durant 40 années. Début XXe siècle, Rudolf Steiner quitte la Société théosophique car il se dispute avec Alice Bailey, alors présidente de la Société théosophique, au sujet du lieu d'origine de la tradition primordiale. La Société théosophique considère que celle-ci se trouve dans la tradition orientale. Steiner, lui, pense qu'elle se situe en Occident, dans la tradition chrétienne. Il consolide sa vision du monde dans le cadre du mouvement anthroposophique en puisant des éléments du rosicrucianisme, de la nature philosophie et en lui-même à travers des capacités clairvoyantes. Il lance la construction du quartier général de l'anthroposophie à Dornach, dans les hauteurs de Bâle, suite à un incendie criminel, probablement lié à une opposition religieuse à son courant. Logothéanum est entièrement détruit. Infatigable, Steiner se lance immédiatement dans l'esquisse de son deuxième Gothéanum, en béton armé cette fois. Il sera terminé en 1928. Cette même année, à quelques kilomètres du Monte Verita, fameuse communauté utopique pionnière qui pratiquait le végétarisme et le nudisme, Olga Fröbe, théosophe danoise, fonde Eranos, un lieu de rencontre et d'expérience où les philosophies orientales et occidentales peuvent se rencontrer. Chaque année, depuis 1933, des chercheurs et intellectuels de tout horizon, parmi lesquels Jung, Corbin, Erwin Schrödinger, se rassemblent sur les rives du lac Majeur, au Tessin, pour échanger sur des thèmes tels que l'histoire des religions, le mysticisme, l'astronomie ou l'anthropologie. En 1940, c'est au tour de Maharishi Mahesh Yogi de se faire initier au cœur de l'Himalaya indienne par son maître Brahmananda Sarawasti, qui lui confie la tâche de propager la sagesse traditionnelle secrète au monde entier. Conférence après conférence, devenu le guide spirituel des Beatles, le Maharishi se retire de ses activités publiques et fonde, en 1968, le gouvernement mondial de l'âge de l'illumination à Zelisberg, dans le canton d'Uri. Maharishi Mahesh Yogi, whose face has become almost as familiar as some of his celebrated followers, is a simple man with a simple message. He is a guru, a teacher of a technique of meditation based on traditions originated thousands of years ago. Much has been written and said about the involvement of people like the Beatles and Mia Farrow with this Eastern philosophy, but the fact remains that followers of Maharishi in the Western world are numbered in the hundreds of thousands. The depth of the lake and the ripples and the beautiful reflection of the glacier reminds me of the story of inner life. The mind is deep like a lake. The ripples on the surface represent the conscious mind, the activity of the mind on the surface. And the whole depth of the lake is silent. And that is the subconscious mind, which is not used by the waves. But if the waves could deepen and incorporate more silent levels of the water, the waves could become the waves of the ocean, the mighty waves. On January the 12th, 1975, on the flagship Gotthard on Lake Lucerne, Maharishi inaugurated the dawn of a new age for the human race, the age of enlightenment. And he did this on the basis of the scientific demonstration that even one person in 100 beginning to transcend through transcendental meditation could change the whole society. He gave the analogy that even a small filament inside a light bulb can fill a whole room with light. So in just the same way, even one slightly enlightened person in society, and 1% like that, can produce a complete transformation of the whole society.